الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، on va voir rapidement une salat tafsir al-jama'a. J'avais dit dans Salah al-Sheikh dans Sharh al-Wasati au début, puisque Sheikh al-Islam il dit هذه عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. Donc le Sheikh il fait une escale sur ce terme là, al-jama'a, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir, je vais vous lire un peu rapidement en arabe, je vais vous traduire les passages qui sont primordiaux. Il dit وأما قوله الجماعة فإن هذا اللفظ استعمله طائفة من أئمة السنة المتقدمين من طبقة مشايخ الإمام أحمد وطبقته ومن بعدهم. Donc il dit ce terme-là a été utilisé par nombre de savants, surtout ceux qui étaient à l'époque de l'imam Ahmed et ceux qui sont venus par la suite. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ الجماعة. Il dit ce terme a été utilisé par le prophète lui-même. فمنها أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الفرقة الناجية في حديث الافتراق المشهور. Donc dans le hadith de la division, que la communauté va se diviser, il a utilisé ce terme. حيث قال بعد ما ساق الافتراق. Donc après avoir cité la division, on dit c'est qui sera sur ce chemin-là. Il a dit sauf une qui est الجماعه. كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي لفظ آخر قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية أخرى زاد لفظ اليوم بقوله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي إلى آخره. وقد جاء الحث على التمسك بالجماعة ولزومها في أحاديث كثيرة. Donc il dit beaucoup de hadith qui viennent inciter au fait de se rattacher au groupe. Ensuite je vous laisse un passage. Il dit première parole sur l'explication de ce mot jama'a. Première parole, le qawl al-awwal anna al-jama'a hum as-sawad al-a'zam. Première parole c'est que le jama'a c'est la majorité. وهذا التفسير منقول عن ابن مسعود الهذلي الصحابي المعروف وابي مسعود الانصاري البدري رضي الله عنهما. Il dit cette explication était donnée par deux compagnons connus, donc Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon mekwa qui est connu, et le deuxième c'est Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri, qui est donc un compagnon parmi l'Ansar. Ils ont dit le jama'a, c'est la majorité. Il déchire sur cette parole. Saqa anhum adhalika jam'un minhum al-lalaka'i fi kitabihi kada. Qala inna al-jama'a hiya al-sawadu al-a'zam. Wa qad jaa fi ba'di al-ahadith wa fi isnadiha man la yuhtajju bihi annahu qala sallallahu alayhi wa sallam alaykum bil-sawadi al-a'zam. Il dit dans certains hadiths c'est venu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit restez avec la majorité. فأخذوا أن الجماعة هي السواد الأعظم. Donc il dit dans ce hadith là il y a des discussions. Il dit ويعنون بذلك السواد الأعظم في وقتهما. Il dit ce que veut dire ces deux compagnons là c'est la majorité dans leur époque à eux, à savoir les compagnons. وذلك بأنه في آخر وقت ابن مسعود بدأ ظهور الذين ينقمون على عثمان من الخوارج ومن شابههم. Puisque c'est à la fin de l'époque Abdullah ibn Mas'ud il est mort quand? On a vu ça dans l'Umda. Dans les premières années 30, 32, 33, Kada. À la fin de l'époque d'Ibn Mas'ud, puisque Uthman il a été assassiné en l'an 35, à la fin de l'époque d'Ibn Mas'ud, donc sont apparus les Khawarij. وحثوا على لزوم السواد الأعظم وهم سواد عامة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc eux, ils ont, ces compagnons-là, ils ont orienté les gens vers le fait de se rattacher à la majorité qui était à cette époque-là, les Sahaba, les compagnons. هذا القول الأول, première parole. القول الثاني أن الجماعة هم جماعة أهل العلم والسنة والأثر والحديث. Deuxième parole, c'est que الجماعة c'est أهل العلم والسنة. Les gens de science et les gens qui se rattachent à la sunna, qui suivent les textes. سواء كانوا من أهل الحديث تعلما وتعليما أو كانوا من أهل الفقه تعلما وتعليما أو من أو أهل اللغة تعلما وتعليما فالجماعة هم أهل العلم والفقه والحديث والأثر. Donc أهل الحديث dans le sens les gens qui se rattachent à la science, à l'enseignement, que ce soit dans le domaine du hadith, dans le domaine du fiqh, dans le domaine de la langue, les gens qui se rattachent à l'enseignement et à la science. فالجماعه هم اهل العلم والفقه والحديث والاثر وهذا القول هو مجموع اقوال عدد من الائمه حيث قالوا ان الجماعه وان الفرقه الناجيه هم اهل الحديث. Donc il dit c'est la parole de beaucoup de savants qui ont dit ça, comme a cité cela l'imam Ahmed قال ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم. Quand il a cité le groupe sauvé, il a dit si c'est pas Ahl Hadith, je ne sais pas de qui parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa dhakara aydan Abdullah ibn al-Mubarak wa Yazid ibn Harun wa jama'a min ahli al-'ilm wa qala akharun hum ahli al-'ilm kama dhakarahu al-Bukhari. Khulasat hadha al-qawl anna al-jama'a hum ahli al-'ilm wa ahli al-hadith wa ahli al-athar saqa tilka al-aqwal al-khatib al-Baghdadi fi kitabihi Sharaf ashab al-hadith bi asanidiha ila man qalaha. وهذا الذي اشتهر عند العلماء بل عدى اجماعا ان المعنى بالجماعه والفرقه الناجيه هم اهل الحديث والاثر. Il dit c'est cette parole là qui est très considérée, qui est très connue et très répandue. À tel point qu'il y en a qui ont cité l'unanimité sur cette explication là. حيث ان المعنى بالجماعه والفرقه الناجيه هم اهل الحديث والاثر يعني في زمن الامام احمد ومن قاربه لانهم هم الذين نفوا عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وهم الذين نصروا السنه ونصروا العقيده الحقه وبينوها وردوا على من خالفها واعلنوا عليها النكير من كل جهه. Ça c'est la deuxième parole. Donc la première c'est la majorité à l'époque des compagnons, la deuxième c'est les gens de science, la troisième القول الثالث ان الجماعه هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Troisième parole c'est que ce sont les compagnons. وهذا القول منسوب إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز الأموي رضي الله عنه. C'est une parole qui a été citée par donc le septième calife qui est عمر بن عبد العزيز qui est décédé en 101. وهذا القول دليل واضح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض ألفاظ حديث الافتراق هي الجماعة وقال في ألفاظ آخر. Il dit ça c'est ce qui est tiré du hadith le groupe et dans l'autre version il a dit c'est ce sur quoi moi je suis mes compagnons. Donc le groupe d'une version elle explique l'autre. Ce sont les compagnons. القول الرابع, quatrième parole, وهو قول نذكره الآن لا دليل عليه. Il dit c'est une parole, on va la citer, mais il n'y a absolument aucune preuve qui la soutient. أن الجماعة هي أمة الإسلام عامة. Il dit ce sont tous les musulmans. لكن هذا باطل. Il dit ça c'est complètement faux. لأنه يناقض حديث الافتراق. Car c'est en totale contradiction le hadith de la division. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la nation elle va se diviser et rester avec le groupe, c'est-à-dire avec tous les musulmans. Tu ne peux pas, tout le monde est divisé. فإن حديث الافتراق يبين أن أمة الإسلام يعني أمة الإجابة تفترق إلى 73 فرقة وتفسير الجماعة بأن أمة الإسلام يناقض الحديث مناقضة واضحة صريحة. Il dit cette parole là elle est complètement fausse mais elle a été citée donc on la cite. Et la dernière parole قول الأخير أن الجماعة يراد بها عصبة المؤمنين الذين يجتمعون على الإمام الحق. Cinquième et dernière parole c'est ceux qui restent sous l'autorité du gouvernant, le gouvernant qui est donc légitime. فيدينون له بالسمع والطاعة. Ils écoutent et ils obéissent à ce qu'il dit. وَيَعْقِدُونَ لَهُ الْبَيْعَ الشَّرْعِيَّةِ. Ils lui font un pacte d'allégeance. وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ Ibn Jarir al-Tabari رحمه الله تعالى. A choisi cette parole-là le grand mufassir Ibn Jarir al-Tabari Abu Ja'far رحمه الله تعالى. وَجَمَاعَةٌ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. Et beaucoup de savants également. قَالُوا لِيَنَّهُ بِهَذَا يَحْصُلُ الْإِجْتِمَاعُ الْإِئْتِلَافِ إِذَا كَانَ عَلَى إِمَامٍ حَقٍ. Car ils ont dit à travers ça, les gens ils vont se réunir, ils vont former une jama'a, un groupe sous l'autorité justement des autorités du gouvernement. إذا كان كذلك فهذه الأقوال كما ترى متباينة ولكن في تحديد من هم أهل السنة والجماعة نحتاج إلى أن نعلم هذه الأوصاف التي ذكرت في هذه الأقوال وتحقيق المقام أن الأقوال الثلاثة الأولى وهي القول بأن الجماعة هم السواد الأعظم أو أن الجماعة هم أهل الحديث والأثر أو أن الجماعة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأقوال متقاربة. Il dit les trois premières paroles, en vérité, il n'y a pas de contradiction réelle entre les trois premières paroles. Je répète, la première, c'est quoi ? Sawad al-A'zam, la majorité, à savoir l'époque des compagnons. La deuxième, c'est. C'est quoi la deuxième ? Voilà, Ahl al-Ilm, les ulama, ou bien les gens qui s'attribuent à la science et qui s'instruisent. Et la troisième, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, ça tourne autour d'une seule et même définition. Donc il dit ces trois paroles-là, mutaqariba, elles sont proches l'une de l'autre. وهي من اختلاف التنوع. Ça rentre dans la divergence de sorte. C'est-à-dire que tu peux réunir les trois sans sortir de divergence. لأن الجماعة الذين هم السواد الأعظم كما فسرها أبو مسعود البدري يعنون بها صحابة رسول الله. وفسر أكثر أهل العلم الجماعة بأنهم أهل العلم والأثر والحديث لأنهم تمسكوا بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. والجماعة المراد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحصل إذن أن هذه الأقوال الثلاثة ترجع إلى معنى واحد. وأن أهل السنة والجماعة هم الذين تابعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوا أهل العلم والحديث والأثر في أمورهم. أما قول ابن جرير رحمه الله فهذا صحيح وهو أن الجماعة هم عصبة المؤمنين الذين اجتمعوا على الإمام الحق وتبيان ذلك مما يبين حصيلة هذا الكلام ويقرره أتم وأوضح تقرير أن الجماعة مقابلة للفرقة والافتراق يقابله الاجتماع. وقد ذكر الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه العزلة كلمة فائقة فيها تحرير هذا المقام. قال الفرقة فرقتان, فرقة الآراء والأديان, فرقة الأشخاص والأبديان, والجماعة جماعتان, جماعة هي الأئمة والأمراء, وجماعة هي العامة والدهماء. فأما الافتراق في الآراء والأديان فإنه محظور في العقول, محرم في قضايا الأصول, لأنه داعية الضلال وسبب التعطيل والإهمال. إلى آخر كلامه رحمه الله. نأخذ هذا من هذا أنه لفهم معنى الجماعة فهما دقيقا فإنه ينبغي على هذا فهم معنى أهل السنة والجماعة حتى لا يدخل فيهم ما ليس منهم، وتحرير أن الجماعة تطلق باعتبارين. على كل donc الشيخ soutient beaucoup les trois premiers avis et il dit que le cinquième également n'est pas faux et le quatrième il le rend totalement. Il s'étale encore un peu là-dessus quelques pages. Ensuite il passe à la suite où il cite justement que غلط من غلط في معنى أهل السنة والجماعة ce qu'ils ont réprouvé sur l'imam السفريني رحمه الله فأدخل في أهل السنة والجماعة بعض فرق الضلال كالأشاعرة والماتريدية ومن أمثال من غلط من المتقدمين السفريني رحمه الله. Safarini, lui, il déclare Ahl Sunnah ou Jama'a aussi bien Ahl Sunnah que l'Ash'ara que le Maturidiyya. Il dit ça, c'est une parole qui est fausse dans son livre qui est connu, qui est Lawami' al-Anwar al-Bahiyya. Donc, sur l'explication de son poème Ad-Durra al-Mudhiyya fi Aqdi Ahli al-Firqa al-Mardiyya. Sharh al-Wasatiyya sur Salah al-Sheikh. La majorité, c'est quoi? La majorité, c'est-à-dire à l'époque des compagnons, la majorité, ce sera des compagnons. Donc, ça revient à trois. Non, la majorité des gens qui sont présents à l'époque de compagnons, ce sont des compagnons. Il y a des Khawarij, il y a Al-Qadariya qui est apparu par la suite, mais la majorité des gens qui sont présents, ce sont des Sahaba. Hein? La majorité de cette époque. Voilà, la majorité de ce moment-là, de cette époque-là. Bref. Amma, سؤال que Youssef, si tu te rappelles à la fin, fi akhir dars, سألت عن الإحداث. Quand il a cité, Shfa, tu te rappelles? رجعت كلام شيخ ابن حسن العباد دون فضل المدينة justement sur ce hadith là. Il dit ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مدينة حرم. مدينة c'est un endroit sacré. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. Donc celui qui commet un crime ou bien qui protège un criminel, فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Sur lui la malédiction d'Allah, des anges et de tout le reste, des êtres humains, la yaqbalullahu minhu yawm al-qiyam adlun wa la sarf. Donc le cheikh dit sur cette phrase là, il dit dans la deuxième cassette, minute 21, il dit l'ihdath fi din huwa al-ityan bil bida' wal ma'asi. Toi t'as dit un, moi j'ai dit l'autre, c'est les deux. Il dit le fait de faire des innovations et de commettre des péchés, des crimes, allati ma anzalallahu biha min sultan, donc ils sont blâmés ou réprouvés par la législation de l'islam. C'est quoi le hadith la yaqbalullah? Minhu sarfun wa la adl. Il y a beaucoup de tafsir là-dessus. Il y en a qui disent la farida wa la nafila. Il y en a qui disent muhim fiha aqwal mutabayina. Il y a plusieurs paroles là-dessus. Allahu alam yani bis-sawab. Mais cheikh, de toute façon, il ne l'a pas expliqué fima al-Qur'an. Dans le charret, il ne l'a pas. Parce que c'est des ta'liqat qu'il fait en fait. C'est juste des commentaires qu'il fait sur le livre. طيب نبتدي نعم نبتدي donc المجلد الثاني pour ceux qui ont deux مجلد النقطة والمسألة الثامنة والتسعين point numéro 98 de ce livre qui s'appelle شرح السنة de l'imam البربهاري qui est mort 329 de l'Égypte. بارك الله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني العباس تكلمت الرويبضة في أمر العامة وتعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكثروا من خالفهم. Et sache, et qu'Allah te couvre de sa miséricorde, que les savants n'ont cessé de réfuter les paroles des Jahmiya jusqu'au temps du califat des Bani Abbas, où l'on commença à trouver des gens sans science parler de différents sujets. Ils ont insulté les récits du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en se basant sur les raisonnements par analogie et l'opinion personnelle, et ils ont déclaré mécréants ceux qui divergeaient d'avec eux. Donc il dit, Cheikh Salah Fawzan Faqahullah, il dit Charh, explication de cette parole là, de ces paroles là plutôt. Il dit قوله واعلم ان اهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهميه. Et sache que les savants n'ont cessé de réfuter les paroles des Jahmiya. Il dit الجهميه سبق تعريفهم. Il dit الجهميه, on en a déjà parlé auparavant. Il les a déjà définis. Et on l'a vu aussi dans le Ma'at al-I'tiqad, il a défini plusieurs sectes parmi eux الجهميه. انهم اتباع الجهم بن صفوان الذي نشر المقالة القبيحة في أن القرآن مخلوق. Donc c'est الجهم fils de Safwan, الجهم ابن صفوان, la fameuse personne qui a répandu la mauvaise parole qui dit que le Coran est une créature d'Allah. Le Coran est créé. وجاهر بنفي أسماء الله وصفاته. Il a dit ça à voix haute et il a répondu ça. Jahara, il a dit ça à voix haute, il s'en est pas caché, il a répondu cela. Le fait de nier également les noms et les attributs d'Allah. وقال بالإرجاء. Il a dit également الإرجاء, on avait vu dans الإرجاء comme quoi lui il a le degré d'إرجاء qui est le plus grave. A savoir qu'il dit que l'Iman c'est quoi? Non. Non. Non. Ma'rifa. Ma'rifa. Al-Ma'rifa. À ce compte-là, tout le monde est musulman. Pharaon, Shaitan, tout le monde est musulman. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu leur Seigneur. Shaitan, dans beaucoup de versets, il a dit Allah Rabbi, bima aghwaytani. Hein? Rabbi, il a reconnu qu'Allah c'est son Seigneur. Donc, il dit que c'est Al-Ma'rifa. Je ne sais pas si le Cheikh va le citer par la suite. Al-Kullihal, il a dit cette parole-là comme quoi Al-Iman, c'est juste reconnaître. Reconnaître Allah, reconnaître, etc. Yakfi, t'as pas besoin d'œuvrer, t'as pas besoin d'avoir comme conviction, t'as pas besoin de kada. Voilà, hu madhhabun khabith. Il a une mauvaise, très mauvaise idéologie. Fa'atba'uhu yusammawna bil jahmiyya nisbatan ila al-jahm. Les gens qui suivent sa conviction, on les nomme les jahmit, al-jahmiyya. En attribution à cette personne-là. Wa min ashna'i aqwalihim al-qawlu bi khalqi al-Qur'an. Parmi les plus graves de leurs paroles, le fait de dire que le Coran est créé. C'est-à-dire que ce ne sont pas les paroles d'Allah, mais c'est créé. وَنَفْيُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Le fait qu'ils ont rejeté, ils ont renié les noms et les attributs d'Allah. وَتَحْرِفُ كَلَامِ اللَّهِ وَكَلَامِ رَسُولِهِ بِالْبَاطِلِ صلى الله عليه وسلم. Le fait qu'ils ont falsifié les paroles d'Allah, falsifié les paroles du messager. فَهُمْ أَخْطَرُ الْفِرَقِ وَأَقْبَحُ الْفِرَقِ. Donc, c'est là, si tu veux, elle fait partie des sectes les plus graves et les plus dangereuses. ولذلك أهل السنة وأهل العلم لم يتركوهم بل ردوا شبهاتهم وفندوا أقوالهم وأبطلوها. Donc, les gens de science, ils ne les ont pas laissés comme ça répandre leurs innovations, mais ردوا شبهاتهم, ils ont répliqué sur leurs équivoques qui font passer entre les gens. وفندوا أقوالهم. فندوا, c'est-à-dire ils ont mis fin à. فندوا أقوالهم, ils ont mis fin à leurs paroles. وأبطلوها, ils les ont rendues vaines. وهذا موجود في كتب أهل العلم. Il dit, tu trouves ça dans les livres des savants, surtout les anciens. منها, parmi ces livres, رد الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله على الجهمية وهو موجود مطبوع. Il dit, la réplique de l'imam Ahmed sur la fraction des Jahmiyya, qui est un livre qui est موجود, qui est disponible et qui est مطبوع, c'est-à-dire il est imprimé et il est chez les éditeurs, il est disponible. ومنها رد عثمان ابن سعيد الدارمي على بشر المريسي العنيد وهو مطبوع ايضا. Donc également ce livre là de Uthman ibn Sa'id al-Darimi qui est du 4e ou 5e siècle sur Bishr al-Mirrisi al-Anid qui fait partie de Bishr al-Mirrisi de Mu'tazila. Il a la conviction de Mu'tazila et automatiquement yajma' قول الجهمية, puisque المعتزلة الجهمية, les deux, ils ont répondu cette parole là que le Coran il est créé. ومنها également بيان تلبيس الجهمية, la clarification à propos des équivoques de الجهمية, le Cheikh الإسلام ابن تيمية رحمه الله, de Cheikh الإسلام أحمد ابن تيمية. ومنها اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية, la réunion des soldats ou des armées islamiques pour combattre pour batailler le mu'attila, donc ceux qui renient les noms et les attributs, et parmi eux al-jahmiyya de l'imam ibn al-qayyim al-zara'i al-dimashqi rahimahullah. Qawluhu hatta kana fi khilafati bani al-abbas, jusqu'au temps du califat de bani al-abbas. C'est-à-dire que les savants n'ont cessé de répliquer sur al-jahmiyya, sur les innovateurs en général, sur al-jahmiyya plus précisément, jusqu'à le califat des bani al-abbas. Il dit fi khilafati al-ma'mun min bani al-abbas hadath al-shar, lors de l'apparition de le califat de al-ma'mun. Al-ma'mun qui était au début de l'année 200 200 et quelques des années 200, il a pris le califat et le mal a pris le dessus. Parce qu'il a laissé des gens parler à tort et à travers, des gens qui ne sont pas aptes à parler. On parlait justement dans le domaine religieux des gens qui ne sont pas aptes à s'exprimer dans ce domaine. Il dit si les personnes se mettent à parler dans des domaines qui ne sont pas de son, sa spécialité, de sa spécificité, il n'est pas apte à parler dans ce domaine, il va corrompre beaucoup de choses. فلا بد أن لا يتكلم بأمور الدين والعلم إلا أهل الاختصاص وأهل العلم. Donc le domaine de la science religieuse, c'est les gens qui sont aptes dans la science religieuse qui parlent, pas le reste. فلا يصلح الأمر فوضى كل يتكلم ويدعي العلم. Ça va pas si tout le monde parle, il y a le désordre total. Chacun prétendant connaître mieux que l'autre. كما هو موجود الآن. Comme c'est effectif aujourd'hui, on le voit aujourd'hui. من المتعالمين الذين يجترون مسائل العقيدة ويتكلمون فيها. Comme c'est effectif aujourd'hui, من المتعالمين. Donc les متعالمين, on a dit plusieurs fois, c'est les gens qui s'occupent des choses qui sont au-dessus de leur niveau. Quelqu'un n'a pas la science dans un domaine, il se met à parler dans ce domaine-là, à savoir ici on parle de la science religieuse. الذين يجترون. Alors يجترون, ça vient de كلمة الاجترار. الاجترار. سألت أهل العلم مودي البقر مثلا لفاش البقر يخرج طعاما من بطنه ثم يعيده في فمه ويمضغه مرة أخرى. C'est-à-dire مثلا فاش ou bien n'importe quel autre animal, il avale quelque chose puis il le revomit pour le reprendre et le remâcher une deuxième fois. يلوكون إليه ضمون مسائل العقيدة. المعنى هنا c'est-à-dire que يشترون مسائل العقيدة ويتكلمون فيها, c'est-à-dire que il mâche les sujets de conviction, et ils en parlent à tort et à travers. Comme yani, l'animal, il avale quelque chose, et après il le refait sortir, après il le mâche et il le ravale de nouveau. Romains, ils font ça avec la conviction, ils parlent à tort et à travers. Ils ont parlé à propos de l'iman. Qu'est-ce que c'est l'iman, la définition de l'iman, etc. Ils ont parlé dans des domaines, alors qu'ils sont... Al-ir, c'est l'ibil. Et ici, c'est une expression. Laysu fil ir wala fil nafir. Ils sont laysu ma'ar rakibin wala ma'ar rajilin. Yani, ils sont ni avec les gens qui sont rakibin, qui sont sur des montures et qui avancent, ni ma'ar rajilin, les gens qui marchent avec leur rijl, avec leurs pieds. Ils sont ni avec ceux qui sont sur la monture, ni avec ceux qui marchent à pied. Ils sont ni là, ni là. D'accord ? C'est une expression عند العرب. Laysu fil ir wala fil nafir. Laysa indahum ilm. Si tu veux, la conclusion de tout, le, pourquoi il a dit tout ça, c'est qu'ils n'ont pas de science et ils en parlent. وَلَا تَعَلَّمُوا عَلَى الْعُلَمَاءِ إِنَّمَا تَعَلَّمُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ. Ils n'ont pas de science, ils n'ont pas appris auprès des gens qui sont aptes à enseigner, mais, ouais, mais ils ont appris à droite à gauche, ou bien ils se sont basés sur ce qu'eux, ils ont acquis. وَاَعْتَمَدُوا عَلَى فَهْمِهِمْ. Ils se sont basés sur que, ce qu'eux, ils comprennent. وَصَارُوا يُقَعِدُونَ قَوَاعِدْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَمِنْ فَهْمِهِمْ. Et c'est là qu'ils se mettent à mettre des fondements, des bases, des racines que eux ils ont inventé. Donc il dit ce sujet là c'est un sujet très dangereux, très important, et voilà ce qu'on a découlé, le fait que des gens qui ne sont pas aptes à parler dans le domaine religieux, ils se sont quand même exprimés. On commence à trouver des gens sans science parler de tous les sujets. هذا في الأثر. Ça c'est rapporté dans un texte. إذا تكلمت الرويبضة يعني من علامات الساعة أن يتكلم في أمر العامة من ليس معروفا بالعلم. Il dit, ça fait partie des signes de la fin des temps, que va parler à propos des choses qui concernent tout le monde, des gens qui n'ont pas de des choses. Va parler à propos des choses qui concernent tout le monde, toute la nation, toute la masse des gens qui n'ont pas, qui ne sont pas connus pour leur science. Vous avez dans la marge, رواه الإمام أحمد في المسند والبزار في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم prophète صلى الله عليه وسلم a dit إن بين يدي الساعة سنين خداعة. Avant la levée de l'heure, il y aura des années qui seront trompeuses. يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. C'est-à-dire que le menteur, on va le déclarer comme étant quelqu'un de véridique. Le véridique, on va le déclarer quelqu'un de menteur. La personne qui n'est pas digne de confiance, on va la traiter comme quelqu'un digne de confiance. Tamanou, ça vient de Al-Amana. On va le prendre comme quelqu'un de Amin, comme quelqu'un de confiance. On va lui donner une idée des pots, etc. Et le contraire, pour le contraire, Yukhawwanu fiha Al-Amin. La personne qui est de confiance, on va la traiter de traître. Wa yatakallamu fiha Ar-Ruwaybida. Et Ar-Ruwaybida, comment ils ont traduit ? Les gens sont science. Les gens sont science. Voilà, ça revient à ça. Puisque, il dit, Yann, ici, Ar-Ruwaybida vont parler de ce sujet-là. Qila, wa man Ar-Ruwaybida. Ils ont interrogé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ils ont dit, c'est quoi Ar-Ruwaybida ? Qala al-Fuwaysiq, yatakallamu fi amri al-am. Fuwaysiq, ça vient de Fasiq, c'est pour rapetissir. C'est-à-dire, si tu veux, un. Donnez-moi un mot. Youssef, t'as des bons mots, t'as. Hein ? C'est pour habiller. Plus que ça, Yann, c'est comme une. Un escalima. Un petit. Diminutif. Ouais, c'est un diminutif, oui. Al-Fuwaysiq, yatakallamu fi amri al-am. Si tu veux, c'est un. Un idiot ou là, un petit idiot ou là qui parle à propos des choses qui concernent toute la masse des gens. قال الحافظ ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم صفحة 33 إسناد جيد. هذه هي الرويبضة وتكلمهم من علامات الساعة. Dit voilà c'est quoi الرويبضة. Donc les gens qui n'ont pas science, qui parlent des choses qui concernent toute la masse de la communauté, des choses qui sont graves. Il dit ça fait partie des signes de la fin des temps, comme c'est venu dans الأثر. فلا يصلح أن يتكلم في أمر العامة والمسائل العامة إلا أهل العلم الراسخون في العلم. Donc ne parle à propos de ces sujets-là que des gens qui sont enracinés dans la science et qui sont ancrés dedans. لا يتدخل فيها كل أحد. C'est pas toute personne qui كل واحد. Toute personne qui vient qui parle de ces choses-là qui où il y a de graves conséquences à ce sujet. كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أمر وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الله dit dans le Coran, le sens, sourate 4 verset 83, quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. فالأمور العامة للأمة لا يتكلم فيها إلا أهل الاختصاص. Les choses qui concernent tout le monde, les choses où il y a des conséquences derrière, etc. Il n'y a que des gens qui sont spécifiquement ancrés dans le domaine religieux qui peuvent se permettre d'en parler. قوله وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ils ont insulté les récits du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. تدخلوا حتى في الأحاديث يجرحون فيها. Même dans les hadiths du messager, ils se sont rentrés dedans. ويؤلفون مؤلفات ويصححون ويضعفون وهم ما عرفوا ما عرفوا بالعلم. Donc il dit, il parle, il dit ça c'est authentique, ça c'est faible, ça c'est bon, ça c'est pas bon, alors qu'ils ne connaissent rien dans ce domaine. ولا تعلموا وليسوا من وراء الحديث ولا من أئمة الحديث وليسوا من رواة الحديث ولا من أئمة الحديث. Il dit non pas de science dans ce domaine, ils ne se sont pas instruits dans ce domaine, ils ne font pas partie des rapporteurs de hadith, ni des gens qui connaissent ce domaine. فهم رويبضة قامت وصارت تتكلم في أخطر شيء وهو علم الحديث وعلم الرواية. Donc il dit, ce sont des gens qui n'ont pas de savoir, رويبضة comme on a dit avant, qui se sont mis à parler sur le domaine le plus dangereux, le plus difficile, qui est justement علم الحديث, l'authenticité ou la faiblesse du hadith, et ilm al-riwaya, la connaissance des versions, ce que c'est authentique, bon, pas bon, etc. قوله واخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم. Pour cela, ils se sont basés sur le raisonnement par analogie et l'opinion personnelle, et ils ont déclaré mécréants ceux qui divergeaient avec eux. Donc il dit المراد بالقياس هنا القياس الباطل. Ce qui est voulu ici par l'analogie, c'est l'analogie qui est fausse. أما القياس الصحيح فهذا من أصول الأدلة عند أهل العلم. L'analogie, c'est connu que dans la religion, il y a chez la majorité des savants, ils utilisent le qiyas, l'analogie. Mais il dit ici, ce qui est voulu, c'est une mauvaise analogie. Il dit لكن القياس الباطل كقياس الخالق على المخلوق. Le fait de faire une analogie entre la créature et le créateur. Ou bien le créateur et la créature. أو قياس المسألة أو قياس مسألة لا تجتمع مع المسألة المقيس عليها في العلة. Ou bien faire mesurer une chose par rapport à une autre chose où il n'y a aucune, si tu veux, il n'y a aucun facteur, il n'y a aucun point qui réunit les deux choses. Et donc ça c'est la définition qu'ont donné les ulama dans Usul al-Fiqh, celui qui veut l'apprendre. Al-Qiyas c'est quoi? Ilhaqu far'in bi aslin fil hukm li'illatin jami'atin baynahuma. Ilhaqu far'in bi aslin fil hukm li'illatin tajma'uhu li'illatin jami'atin baynahuma. C'est-à-dire faire rejoindre ilhaq far' bi asl, une branche, un fondement, à cause d'un jugement qui les réunit les deux. C'est comme ils vont prendre une matière qui rend ivre et ils vont la mesurer sur le khomor, sur le vin, sur le kohol, l'alcool. Ils vont dire l'illa, lati tajma'uha, lati la fin de la définition. Illa jami'atin baynahuma, c'est quoi le facteur qui réunit les deux? L'iskar. Les deux, ça rend ivre. Ilhaq ou far'in bi asl. Donc tu prends cette branche-là, cette matière, je sais pas c'est quoi, qui rend ivre, et tu la fais ramener à la base qui est quoi? L'alcool, qui est cité dans le Coran et qui est interdit pourquoi? À cause de l'iskar. Et dans les hadiths, à cause de l'iskar, c'est-à-dire que ça rend ivre. فَإِذَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ عِلَّةٌ جَامِعَةٌ فَهَذَا قِيَاسٌ بَاطِلٌ. S'il n'y a pas de facteur qui fait en sorte qu'on peut réunir la deuxième à la première, parce que justement, hadith elle rend ivre et l'ukhra elle rend ivre, dans ce cas-là, le qiyas sera faux. Naam. Naam. نعم تفضل. كيف؟ لك تعريف معنى القياس الحاق فرعا بأصل لعلة جامعة. لعلة جامعة بينهما. نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله قد دخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون. فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يتخطأ أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Se retrouvèrent concernés par ce verdict de mécréance, l'ignorant, le faible d'esprit et celui qui n'a pas de science, au point où ils sont tombés dans le fait de rendre mécréants sans même s'en rendre compte. La communauté s'est détruite d'une certaine manière, est devenue mécréante d'une certaine manière, est devenue hérétique d'une certaine manière, est devenue égarée d'une certaine manière, et s'est divisée, est devenue innovatrice d'une certaine manière. Excepté celui qui s'est attaché fermement aux paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est sur quoi il était lui et ses compagnons, sans dépasser l'un d'entre eux ou le devancer. Il se suffit à ce qui leur a suffi. Ils ne désirent pas une voix ou une pensée autre que la leur. Et il sait qu'ils étaient sur l'islam authentique, avec une foi authentique. Il les suit dans cette religion-là en étant apaisé, tout en sachant que la religion entière repose sur leur suivi, le suivi des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sharh explication. قوله فداخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له. Ils se retrouvèrent concernés par ce verdict de mécréance, l'ignorant, le faible d'esprit et celui qui n'a pas de science. أي إن فتح الباب لكل من هب ودب. C'est-à-dire que cette porte, elle s'est ouverte, ce domaine, il s'est ouvert à toute personne. Kulman habba wadab, également, c'est une expression en arabe qui veut dire tort et à travers, à un tel et à un tel, n'importe qui vient et il parle dans ce domaine. Saru yatakallamuna fi masa'il al-ilm. Voilà qui parle dans le domaine de la science religieuse, du domaine religieux. Wa hatta al-an, kama ta'lamun, bi sabab hadhihi al-fada'iyat. Il dit, même maintenant, comme vous le savez, à cause de al-fada'iyat. Fada'iyat, c'est les chaînes. C'est-à-dire qu'ils les appellent Al-Fadahiyat avec Ha au lieu de Min Al-Fadiha. Fadahiyat, c'est voilà, tout ce qui est télévision, parabole, etc. Ça vient de Al-Fada qui est l'espace, savoir les satellites et tout ça. Hadith Al-Fadahiyat. Wa hada al-kalam wa al-fawda al-ilmiya sara hatta al-awam yatakallamuna fi masail al-ilm. Donc il dit ces paroles-là et ce désordre, fawda, dans le domaine religieux, même la masse des gens, ils parlent dans le domaine religieux. Et ils introduisent des doutes dans le domaine religieux. Ils shakkikuna fi l'ahkam al-shar'iyya, ils shakkikuna fi fatawa al-a'imma. Wa kama sabaqa annahum kaffaru man khalafahum. Donc, ils laissent s'introduire des doutes à propos des fatawa des ulama ou bien des lois religieuses, ou bien à tel point qu'ils atteignent le degré de quoi ? De rendre mécréant celui qui n'est pas d'accord avec eux. Hatta annahum kaffaru al-a'imma al-sabiqin wa jahaluhum. À tel point qu'ils rendent mécréants l'a'imma al-sabiqin, les ulama, les ulama de l'époque. Et ils les ont rendus comme ignorants. Il y a des gens qui sont dans le Jazair, en Algérie. Ils passent à la télé et tout. Les anciens, vraiment ceux qui sont intouchables, ils ont dit à tel point qu'il y en a qui disent je suis un homme, et Ahmed ibn Hanbal, c'est un homme. Nahnu rijal wa hum rijal. Nous sommes des hommes et eux ce sont des hommes. Wa malikun rajul wa ana rajul. L'imam Malik c'est un homme et moi je suis un homme. Cheikh Al-Uthaymin il dit sur cette parole wa kanna ces hommes là c'est bi alat al-dhakar et al-lihya. Ça veut dire c'est comme si la personne akramakum Allah avec son sexe et sa barbe ça fait de lui un homme. هذا رجل والآخر رجل. Avec la définition de ces gens-là, c'est mal ilm il l'a enlevé. هذا رجل عالم وهذا رجل جاهل. Si tu veux dire lui c'est un homme, lui c'est un homme dans ce sens-là, d'accord. Mais ça c'est un homme connaisseur et ça c'est un homme ignorant. وصل بهم الحال إلى هذا وأنه لا ميزة لقول الأئمة. Ils sont arrivés à un point à dire que la parole de tel imam ou de telle référence dans la religion c'est rien. Lui il parle et moi je parle. Elle est où la différence? Et هذا, je vous avais dit déjà, d'où elle sort cette parole-là? C'est Abu Hanifa qui l'a dit. Hum rijal wa nahnu rijal. Quand il avait dit, إِذَا جَاءَ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ. L'information elle vient du messager, on l'accepte, on ne discute pas. L'information elle vient des compagnons, on l'accepte, on ne discute pas. Après, il a dit, quand elle vient des tabi'in ou bien des atba'a tabi'in, il a dit, فَهُمْ رِجَال وَنَحْنُ رِجَال. Il a dit, eux ce sont des hommes et nous ce sont des hommes. Abu Hanifa, il a dit ça. Pas الجاهل الجهول. قوله حتى كفروا أو كفروا من حيث لا يعلمون. À tel point, كيف قال؟ À tel point où ils sont tombés dans le fait de rendre mécréants sans même s'en rendre compte. كفروا من حيث لا يعلمون. فالإنسان قد يقول مقالة كفرية وهو لا يدري أنها كفرية بسبب جهله. Une personne elle peut dire de la mécréance, et prononcer de la mécréance avec sa bouche, sans savoir que c'est de la mécréance. Pourquoi? À cause de son ignorance, tout simplement. فهو يقول الكفر والكفرة ويروج الكفرة وهو لم يعلم أنه كفر. Quelqu'un peut dire de la mécréance et propager de la mécréance sans savoir que c'est de la mécréance. بسبب أنه تدخل في شيء لا يحسنه. Pourquoi? Parce qu'il parle dans des domaines qu'il ne maîtrise pas. فالخطر عظيم عليه وعلى الأمة. Donc le danger est grand déjà pour la personne qui dit ça et pour la nation qui l'écoute. هو لو اقتصر الخطر عليه لكان أخف. Si jamais le danger il était limité à une personne qui a fait cette chose-là, ce serait moindre. Mais la personne qui prêche et qui a attrait et qui parle à toute la nation, c'est autre chose. ولكن المشكلة أن هذا ينتشر على الأمة. قال قوله فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه. ينتشر c'est propager. La communauté s'est détruite d'une certaine manière et est devenue mécréante d'une certaine manière. يعني لبسوا على الأمة وأدخلوا عليها الخلل حتى إن منهم من يأخذ الأقوال الكفرية ويقول هذه أقوال علماء. Donc il dit ils ont introduit al-khalal, donc la discorde à tel point qu'il y en a parmi eux qui prennent des paroles qui sont de la mécréance et qui disent voici des paroles émanant de savants. هذه أقوال علماء كما يقولون عن قول الجهم والمعتزلة. Comme ils disent sur la parole de الجهم ابن صفوان et de المعتزلة. هذه أقوال علماء. Ils disent c'est des paroles, c'est des avis émis par des juristes ou des savants. حتى أنهم كتبوا في الصحف يقولون للعلماء إنكم أنتم تحجرون الحق لكم. À tel point qu'il y en a qui ont écrit dans الصحف, c'est dans les journaux. Ils ont dit en s'adressant aux savants إنكم أنتم تحجرون. حجر الشيء c'est le restreindre, le limiter à. Ils ont dit, ulama, vous, vous voulez limiter la vérité à vous-même, à une courte, un petit morceau si tu veux. Vous voulez vraiment limiter la vérité à un petit espace. Et vous avilissez les paroles des grands savants, Ibn Sina, comme Ibn Sina. Ibn Sina, c'est un grand médecin, il est connu dans la médecine. Amma fil mu'taqad, les ulama disent c'est un mulhid. C'est un mulhid, il fait partie de Rawaf, de je ne sais pas quelle fraction. Ibn al-Qayyim, il en a parlé dans Nouniya. Wa Ibn Arabi, c'est un Sofi Jeld. Wa al-Jahm ibn Safwan, c'est le Jahm ibn Safwan, ce que le Cheikh parlait avant. Wa haoula al-ulama, lahum qimatuhum. Et ils disent donc, vous avez délaissé les paroles de ces savants-là, qui ne sont pas des savants dans le domaine religieux, si toutefois ils sont savants dans un autre domaine. Et il dit, eux, ils disent, ces gens-là, ils disent, ce sont, il s'agit là de savants qui ont leur valeur. قوله وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه. Elle est devenue hérétique d'une certaine manière, est devenue égarée d'une certaine manière, elle s'est divisée, elle est devenue innovatrice d'une certaine manière. كل هذه الآفات بسبب تدخل الجهال في مسائل العلم. Toute cette division, toute cette innovation, égarement, déviation, tout ça c'est la suite de quoi? C'est que les ignorants ils parlent dans le domaine religieux. وقلة الخوف من الله سبحانه وتعالى. لما قل خوفهم من الله دخلوا في هذه الأمور. Peu de science, peu de peur d'Allah, puisque peu de science engendre le peu de peur. Donc il dit قل خوفهم من الله. Donc ils sont rentrés dans ce domaine-là. ولهذا يقول بعض السلف قل ورعهم فتكلموا. Certains prédécesseurs ils ont dit, il s'agit là de gens qui n'ont pas de wara, ils n'ont pas, ils laissent pas les choses équivoques. Les choses équivoques. Alors que là c'est clair, c'est des gens qui sont ignorants, qui n'ont pas de science et qui parlent quand même. Donc ils ont pas de ils prennent pas de précautions, ou ils ont peu de précautions dans le domaine religieux, donc ils se sont mis à parler à tort et à travers. أما الذي يخاف الله عز وجل فإنه لا يدخل في شيء إلا وهو يحسنه. Quelqu'un qui a peur d'Allah réellement ne rentre pas dans un domaine sans le maîtriser. لا يدخل في شيء وهو لا يحسنه وليس من أهله. Rentre pas dans un domaine qu'il ne maîtrise pas et qu'il n'est pas adepte ou apte. خصوصا أمور الدين. Surtout le domaine religieux. قوله إلا من ثبت على قولي إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يتخطى أحدا منهم. Excepté celui qui s'est attaché fermement aux paroles du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ce sur quoi il était, lui et ses compagnons étaient, sans dépasser l'un d'entre eux ou chercher à le devancer. لم يسلم من هذه الآفات الكفر والزيغ والضلال والانحراف والتعدي والتقاطع إلا من تمسك بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Donc n'a été épargné de ces l'afat, jam'u afa, qui est le dégât. N'a été épargné de ces dégâts qui est donc la mécréance, al-zayr, c'est la déviation, al-dalal, c'est pareil, la déviation, la perdition, l'égarement. Al-inhiraf, c'est le fait de dévier. Al-ta'addi, c'est le fait de... Ta'addi, voilà, naam. Al-ta'addi, naam. Al-ta'addi wa al-taqatu', le fait de dépasser ou outrancer, comme ils disent. Illa, ceux qui ont été déchus de ces dégâts, qui est la mécréance, la déviation, etc., c'est ceux qui se sont attachés à ce sur quoi était le messager alayhi salam et ses compagnons. كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما من كان على ما انا عليه واصحابي. حديث عند الترمذي وغيره. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit cette communauté va se diviser en 73 fractions, tout en enfer sauf une. Qui c'est? Au messager d'Allah. Il a dit ceux qui sont sur ce sur quoi je suis et mes compagnons. قوله ووسعهما وسعهم. Il s'est suffi à ce qui leur a suffi. Donc une personne qui s'est suffi à ce qui leur a suffi, c'est-à-dire au messager, à ses compagnons. وهو الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون من الفضلاء والأئمة. Ceux qui se sont limités au Coran, à la Sunna, à la voix des compagnons, à celle des successeurs dans le bien et aux générations bien guidées. لكن المشكلة في الذي يقول هم رجال ونحن رجال. Il dit le gros problème qu'il y a, c'est avec des gens qui disent nous sommes des hommes, ou eux ils sont des hommes, et nous sommes des hommes. Ils disent par exemple la parole des compagnons par rapport à la nôtre, n'y a pas de mise, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de privilège à la parole de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. قوله واعلم انهم كانوا على الاسلام الصحيح والايمان الصحيح. Et il sait qu'ils étaient sur l'islam authentique avec une foi authentique. كما قال تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. Comme Allah dit dans le Coran, sourate Tauba, sourate 9, verset 100, les tout premiers compagnons parmi les émigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans le bien. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Hadith al-Irbat, il a dit, le prophète صلى الله عليه وسلم, attachez-vous à ma voix et à celle de mes compagnons et plutôt à celle de mes califes bien guidés après moi. À celle des califes bien guidés après moi. فالذي يريد النجاة هذا هذا فالذي يريد النجاة هذا طريقها. Celui qui veut voie de sauvetage, voici la voie de sauvetage. والذي لا يريد النجاة له مختار لنفسه. Celui qui veut pas la voie de sauvetage, qu'il là ce qu'il a choisi à part cela. وليس الضرر يقتصر عليه بل إنما يتحمل آثام الناس مع إثمه. Et il dit la réprimande ou bien le mal qu'il y a derrière ne va pas être limité à lui, mais il va porter également les péchés des gens qui l'ont suivi. قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Allah dit dans le Coran, sourate 16, sourate les abeilles, verset numéro 25, qu'ils portent donc au jour de la résurrection tous les fardeaux de leur propre œuvre, ainsi qu'une partie des fardeaux de ceux qu'ils égarent sans le savoir. Combien est mauvais le fardeau qu'ils portent. Tu portes le fardeau ta'ak et celui des gens qui te suivent. إنه بلا شك أن الصحابة والقرون المفضلة هم الذين على الإسلام الصحيح والدين الصحيح. Ceux qui étaient sur la droiture, c'est les premières générations et les compagnons plus précisément. فكيف تتركهم وتذهب إلى من لا يضمن أنه على الدين الصحيح ولا على الحق. Comment tu laisses la sûreté pour quelque chose dont tu n'as aucune garantie. يضمن, ça vient de ضمان. Tu n'as aucune garantie, tu n'as aucune assurance. Comme quoi ils sont sur une religion qui est juste et sur la vérité. قوله فقلدهم دينه واستراح. Il les suit dans cette religion-là en étant apaisé. قال يعني قلدهم يعني اتبعهم. قلدهم, il les a suivis. والذين اتبعهم بإحسان. Allah il a cité les muhajirin, ensuite l'ansar, ensuite ceux qui les suivent dans le bien. المراد بالتقليد هنا الاتباع. Il dit ce qui est voulu suivre par التقليد, c'est الاتباع, c'est le suivi. قوله واعلم أن الدين إنما هو التقليد والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Donc, tout en sachant que la religion entière repose sur leur suivi, le suivi des compagnons de Mohammed صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا المراد بالتقليد التقليد الصحيح وهو الاتباع. Donc il dit ce qui est voulu suivre par le fait de suivre, par le fait de faire de التقليد, qui est à la base du suivi aveugle, il dit c'est le suivi qui est juste, le suivi du prophète et des compagnons. كما قال يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. Donc il dit c'est comme, ça revient à la même parole que a cité Yusuf عليه السلام dans justement la sourate Yusuf, verset 37 et 38. Il dit, certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Ensuite, il dit, وَتَّبَعْتُ et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Ibrahim, Ishaq et Yaqub. فَاتِّبَعُ السَّلَفِ الصَّالِحِ هَذَا هُوَ الْحَقِّ وَلَيْسَ فِيهِ لَوْمْ إِذَا اتَّبَعْتَ هَؤُلَا. Le suivi des pieux prédécesseurs, c'est ça la vérité, il n'y a pas de لَوْمْ, il n'y a pas de blâme. Il n'y a pas de blâme si tu suis ceci, c'est-à-dire ceci ou cela, c'est-à-dire les compagnons. إنما اللوم إذا اتبعت من لا يصلح للاتباع. Le blâme, c'est si tu suis ceux qui ne sont pas aptes à être suivis. واقتديت بمن لا يصلح للقدوة. Et tu suis les gens qui ne sont pas aptes à être pris comme guide ou bien comme exemple. Le Cheikh Ahmed Najmi rahimahullah dit justement sur cette parole, قوله يعني قول المؤلف إن قول المؤلف رحمه الله علم أن الدين إنما هو التقليد. Sache que la religion, en fait, c'est le suivi, comme ça ils ont traduit, يلاحظ عليه هذا التعبير. Ici, il y a une observation à faire sur l'expression qu'a utilisée l'auteur en disant التقليد. Cette expression, لأن التقليد هو اتباع الاتباع بلا دليل. Cette définition-là, vous la trouvez dans أصول الفقه, qui dit que التقليد c'est le fait de suivre sans preuve. Le fait de suivre sans preuve. ولو قال أن الدين هو الاتباع لكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من حملة الحديث والأثر لكان هذا التعبير هو الصواب. Il dit l'auteur aurait mieux fait de dire que la religion c'est, l'auteur il a dit quoi? Sache que la religion c'est le fait de suivre, à savoir taqlid c'est suivi aveugle. Il dit, s'il avait dit sache que la religion c'est le fait de suivre le Coran, la sunna du messager, avec la compréhension des pieux prédécesseurs parmi les compagnons, ceux qui les ont suivis, et ceux qui les ont suivis dans le bien, qui ont porté le hadith, yani les textes, et qui ont suivi les traces, cette expression aurait été bien mieux, bien meilleure que celle, celle qu'il a citée. Le début, Bachir, le début de l'expression, la meilleure. هو الاتباع. لا, قال, ولو قال أن الدين هو الاتباع. كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. هنا يا الاجتهاد والاتباع والتقليد. C'est trois choses qu'on trouve dans sur le fiqh qui sont trois choses différentes. Donc ici c'est un peu équivoque quand il a dit التقليد. Est-ce que ce qui est voulu c'est اتباع ou bien le cheikh dit خزان. Il dit que ce qui est voulu ici c'est le fait de suivre يعني prophète et les compagnons. Point 99. فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعدوا عليها بالنواجذ. Celui qui dit que le Coran est créé est un jahmite. Celui qui garde le silence et ne se prononce ni pour l'un ni pour l'autre est un jahmite. Telle est la parole de Ahmed ibn Hanbal. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui parmi vous qui vivra longtemps verra de nombreuses divergences. Alors méfiez-vous des nouveautés dans la religion, car elles sont toutes des égarements. De même, accrochez-vous fermement à ma sunna et à la sunna des califs bien guidés après moi, mordez-y à pleines dents. الشرح أثبت الله لنفسه الكلام في آيات كثيرة. Allah s'est attribué à lui-même des paroles dans beaucoup de versets. فقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. Il a dit par exemple à la fin de la sourate Al-Kahf, sourate 18, verset numéro 109. Il dit: si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Ay kalimatullah allati ya'muru biha wa yanha. Les paroles d'Allah à travers lesquelles il interdit, il ordonne et il interdit. Wa yudabbiru biha al-kawn. Il dirige la terre, ou l'univers plutôt. Man yuhsi kalimatillah subhanahu wa ta'ala ma taktubuha al-bihar wa la al-aqlam kulluha. Qui c'est qui va décompter les paroles d'Allah? Tu peux pas, yani. Ni ça pourra être écrit par l'eau des mers et des océans, ni par l'aqlam, ni par les stylos, les plumes, etc. Wa kalamullahi kama yaqulu ahlus sunnati wal jama'a qadimun naw'i hadithul ahad. Les paroles d'Allah, comme ils disent ahlus sunnah qadim al-naw', c'est-à-dire que c'est, je connais qadim al-naw', vous ne vous rappelez pas? Laysa lahu bidaya. Voilà, ancien absolu, hadithul ahad, ça se réitère quand Allah le veut. Allah il parle matasha idha sha. Fal Quran min ahad kalamillah wa min afrad kalamillah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, c'est une partie des paroles d'Allah. Ça fait partie des paroles d'Allah. Fa kalam Allah thabit bi kitab Allah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'Allah parle, c'est rapporté, cité dans le Coran et dans la sunna du messager. Wa la shakka anna al-uqul as-salimata tuthbitu al-kalama lillah. Les raisons qui sont saines et sereines affirment que Allah parle. Yannahu sifatu kamal wa nafyuhu sifatu naqs. Car c'est un attribut de perfection Et le fait de dire qu'Allah ne parle pas, c'est un attribut de d'avilissement ou d'amoindrissement ou de faiblesse ou de handicap. لكن الجهمية وهم أتباع الجهم بن صفوان وهو خبيث ظهر على الناس يشككهم في دين الله. Mais il dit al-Jahmiya, qui sont les suiveurs de al-Jahm ibn Safwan, qui est un homme qui est mauvais, ظهر على الناس يشككهم. Donc cette opinion-là, cette idéologie-là, a introduit le doute chez les gens à propos de la religion d'Allah. ويأمرهم بالإلحاد والكفر. Il leur a ordonné le fait de se pencher de la parole véridique vers le tort et de la droiture vers la mécréance. ومن ذلك أنه شككهم في أن الله يتكلم. Il leur a mis des doutes sur le fait est-ce que Allah parle ou pas. وقال كلام الله الموجود مخلوق خلقه في اللوح أو خلقه في جبريل أو خلقه في محمد صلى الله عليه وسلم. Il leur a dit les paroles d'Allah qu'on a là, c'est une créature d'Allah. Ce ne sont pas ses paroles réellement. Il a créé ces créatures là dans la tablette préservée, اللوح المحفوظ. Ou bien il l'a créé en جبريل. Ou bien il l'a créé en محمد صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. فهو من إضافة المخلوق إلى خالقه. Il dit كلام الله, c'est-à-dire les paroles d'Allah qu'il a créées. مثل بيت الله ناقة الله مثل بيت الله ناقة الله. Comme quand tu dis la maison d'Allah, à travers savoir les mosquées. Il dit la mosquée elle est créée. ناقة الله, la chamelle d'Allah, à propos de la chamelle de du prophète صالح عليه السلام, c'est la chamelle qu'Allah il a créée. هكذا يقول قبحه الله يقول الله لا يتكلم وإضافة الكلام إليه إضافة مخلوق إلى خالقه. Il dit en vérité Allah ne parle pas, mais quand on dit les paroles d'Allah, c'est les paroles qu'Allah il a créées, comme la chamelle qu'Allah il a créée, comme la demeure qu'Allah il a créée, etc. و هذا من مذهبه وله مذهب الجبر في القدر. Il dit donc ça fait partie de son idéologie al-Jahm ibn Safwan هذا. Il dit également il a le jabr fil qadr, c'est-à-dire le fait de dire que tu es forcé dans ton destin. Tout ce qui t'arrive, c'est pas de ta faute. C'est-à-dire dans le destin, c'est vrai, mais dans tes actes aussi. Al jabr, c'est dans les actes. Mathalan, tu prononces la mécréance, c'est pas de ta faute. C'était prédestiné. Tu là, le qadr c'est le destin. Non. Il y a des divergences. Il y en a qui disent c'est Laylat al-Qadr, une nuit de grande valeur. Qadr azim, ou bien la nuit du destin, la nuit où le destin des choses il descend si tu veux, destin annuel. On est où? Madhhab al-jabr fil qadr, walahu madhhab fi nafi al-asma wa al-sifat. Également dans les noms et les attributs, c'est connu que le jahm il rejette tout. Walahu madhhabun aydan fi at-takdhib bi sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dément aussi la sunna du messager, wa at-takdhib bil Qur'an aydan imam. Le Coran, فهو ملحد خبيث ظهر بهذه الفرية. Le Firya, c'est un grave mensonge, un lourd mensonge. Il dit donc c'est un mulhid, c'est quelqu'un qui a rejeté les textes, qui a rejeté la Sunna, rejeté le Coran, rejeté les noms, les attributs d'Allah, qui a dit des énormités. وهذا المذهب منحدر عن اليهود. C'est une idéologie منحدر, ça veut dire ça descend de. منحدر يعني أتى من. منحدر عن اليهود يعني أتى من اليهود. كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة الحموية. كما سيتي صال إمام ابن تيمية dans son livret الحموية الفتوى الحموية. والجهر قال والجهم ليس هو الذي ابتدأ هذا المذهب. الجهم c'est pas lui qui a pris, c'est pas lui qui a inventé ça. Lui il l'a pris قبله الجعد ابن درهم. الجعد ابن درهم qui a été assassiné par le gouvernant en Irak quand il a sorti cette innovation. هو الذي ابتدأ هذه المقالة الشنيعة وأخذها عن طالوت اليهودي. Donc il a dit الجهم ابن صفوان, il a pris ça de الجعد ابن درهم avant qu'il meure. والجعد ابن درهم أخذها عن طالوت اليهودي, il a pris d'un homme qui s'appelle طالوت, un juif. وطالوت أخذها عن لبيد بن العاصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. طالوت اليهودي il a pris ça de لبيد بن العاصم, le juif Médine qui a ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Sahih al-Bukhari. فهذه المقالة منحدرة من اليهود الذين يحرفون كلام الله عن مواضعه. Donc il dit cette parole là émane du juif. فلا يستغرب هذا المذهب الخبيث. Donc faut pas être étonné que une telle énormité à propos des textes religieux. إذا عرف مصدره أنه من اليهود. Puisque tu sais que ça vient des juifs. Les juifs, ce n'est pas nos amis. دسوه على المسلمين بواسطة هذا الرجل الخبيث الجعد بن درهم. Donc ils disent ils ont dessous, ça veut dire infiltré, dessous al muslimin à travers par l'intermédiaire de cet homme là mauvais qui est Jad ibn Dirham, الذي قتله خالد القصري. خالد القصري qui était amir al-Iraq à ce moment là, khalifa al-Iraq pendant cette période là, يوم عيد الأضحى, le jour de l'Eid. كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. أخذ هذه المقالة عنه الجعد بن الجهم بن صفوان فنسبت إليه لأنه هو الذي نشرها وليس هو الذي ابتدأها. Donc il dit, c'est pour cela, Ibn al-Qayyim rahimahullah fi an-Nunia, il dit, wali ajli dha, c'est pour cela que dhaha bi ja'din, dhaha min al-udhiya, sacrifié al-ja'd, Khalid al-Qasri, Khalid al-Qasri qui était le gouvernant. À l'époque, c'était le gouvernant qui faisait khutbat al-Eid, khutbat al-Jumu'ah. Il a fait khutbat al-Eid, il est descendu wa dhabaha hada al-rajul. Yawma dhabaih al-Qurbani, le jour de l'Eid, wallahi sana nasituha. J'ai oublié quelle année exactement, 200 quelque chose, puis Madkor, ou bien avant. Peut-être c'est dans le deuxième siècle, Allahu alam, j'ai oublié. Allez, Kullin. Il dit donc le jour de l'Eid, Idh qala Ibrahim ou laysa khalilahu. Lorsqu'il a dit, Al-Ja'd ibn Dirham, il a dit, Ibrahim n'est pas le khalil d'Allah, l'ami intime, comme ils traduisent dans le Coran. Kalla wala Moussa al-Kalim al-Dani. Et Moussa alayhi salam n'est pas Kalim Allah, n'est pas celui qui a parlé à Allah sans intermédiaire. Shakara al-Dahiyyata kullu sahibi sunnatin. A reconnu et a été reconnaissant envers cette immolation toute personne qui s'attribue à la sunna. Lillahi darruka min akhi qurbani. Lillahi darruk. J'ai demandé à quelqu'un spécialisé dans l'oral arabe, il m'a dit il n'y a pas de traduction à ce type de phrase, mais c'est une invocation de bien. Lillahi darruk, ça veut dire c'est une invocation de bien. Et tu fais une invocation de bien à quelqu'un, mais il n'y a pas de traduction en français. Quand tu dis à quelqu'un Lillahi darruk, c'est une sorte de reconnaissance. Tu es reconnaissant envers lui, tu le remercies. Il n'y a pas de traduction de mot à mot. Min akhi qurbani. Donc il dit, Al-Jahm a pris cette parole-là de Al-Ja'd. Et on appelle Al-Jahmiya parce que c'est Al-Jahm ibn Safwan qui l'a propagé. C'est lui qui a alimenté cette idéologie, c'est lui qui l'a propagé envers les gens. Mais c'est pas lui qui l'a inventé. وَقَدْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ السُنَّةِ إِنْكَارًا شَدِيدًا وَغَلَّظُ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ. Donc il dit, Ahl al-Sunnah ont réprouvé cela et blâmé cela d'une manière rude. وهذا سيأتي إن شاء الله في المقطع الذي بعد هذا. De manière rude, yani ils ont été al-ghilza, c'est la dureté. Ils ont été rudes à ce sujet-là. Et dit ça, on le verra par la suite dans le passage suivant. ولكن معنا الآن جزئية من هذا المذهب الخبيث. Il dit là, on a déjà vu جزئية, c'est-à-dire une petite partie de cette idéologie qui est mauvaise. وهو نفي كلام الله, نفي الكلام عن الله, ولكن حصل عند أهل السنة إشكال, وهو هل يقال إن لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. Mais il dit, il y a eu un problème chez Ahl al-Sunnah. Ils ont dit, est-ce qu'il faut dire que ma parole, quand je cite ou je récite le Coran, est-ce que cette parole-là, elle est créée ou elle n'est pas créée? C'est une phrase qui était à la base inexistante, mais هذه دسوها على المسلمين أيضا. Pareil, cette phrase-là, ils l'ont introduite au milieu des musulmans. هل تقول إن لفظي بالقرآن مخلوق أو تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. Est-ce que tu dis ma parole quand je récite le Coran, puisque le Coran il est incréé, mais ta parole elle est créée. Est-ce que tu dois dire ma parole quand je récite le Coran elle est créée, ou bien ma parole quand je récite le Coran n'est pas créée. أو تتوقف إن كان المراد به اللفظ الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق وإن أريد به التلفظ بالقرآن فالتلفظ مخلوق. Ou bien tu dois t'abstenir, ni dire ceci ni dire cela. C'est-à-dire que si ce qui est sous-entendu, c'est ce que tu prononces, à savoir ce que tu prononces, ce sont les paroles d'Allah, c'est incréé. Est-ce que yani le fait que tes lèvres, mathalan, elles bougent, etc., ce que tu es en train de réciter, c'est yani des actes que tu fais, ça c'est créé. Il dit فَالتَّلَفَّظْ مَخْلُوقْ وَالصَّوْتُ مَخْلُوقْ. تَلَفَّظْ, yani le fait que tu fasses bouger tes lèvres pour prononcer ces paroles-là, et le son qui sort de ta voix, le son qui sort de ta bouche, ça c'est créé. Il faut impérativement donner une explication. هذا هو التفصيل الذي قال به الإمام أحمد والبخاري وجمع من المحققين. فلا تقول لفظي بالقرآن مخلوق مطلقا ولا غير مخلوق مطلقا. Tu dis ni ma parole quand je récite le Coran est créé, ni ma parole quand je récite le Coran est incréé. ولا تتوقف, ni tu te tais à ce sujet-là, بل تفصل في ذلك. Mais tu expliques. C'est-à-dire, ce que je récite, c'est le Coran, c'est incréé, mais ma haraka, c'est-à-dire mon mouvement avec mes lèvres et ma voix, ça c'est par contre créé. Et à la base, il n'y avait pas cette parole-là chez les salafs, mais elle a été introduite, donc ils ont dû se prononcer à ce sujet-là. On s'arrête là, Inch'Allah. Un commentaire là-dessus là. J'ai vu dans Jum'a Al-Kalam Al-Bari wa Sawt Al-Kalam. Kalam, Kalam Al-Bari, ça veut dire les paroles. Non mais ça revient exactement à ce que le Cheikh il a dit là. Kalam, Kalam Al-Bari, les paroles sont les paroles du Créateur. Al-Bari c'est le Créateur. Donc c'est son, elles sont incréées. Et wa Sawt Al-Qari. Par contre la voix, c'est la voix du lecteur. Donc ça c'est créé. On continuera inchallah le point 100 la semaine prochaine. Hada wal ilmu indallah subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Là. Kifa? Shbih. والله ما قريتوش. ما قريت البداية. نعم. Non, je sais qu'il y a des gens qui ont un maximum de paroles de ulama là-dessus, elle a dit que je l'envoyais.